Les conseils de GG et Sandy. 7h38, bon réveil, merci d'avoir choisi Fun Radio. C'est les conseils de Gérard et Sandy. Donc GG et Sandy, je vous laisse. Bonjour à tous. Hello, bonjour à tous. Good morning. You are you. Bon, quand tu veux là-bas, tu travailles. Tu travailles quand tu veux, hein. Donc on va accueillir. On accueille Sébastien, bonjour. Sébastien. Allô. Allô. Allô, c'est Sébastien. Ouais, bon, excuse-moi d'avoir écorché. Bonjour Sébastien. Ah ben, bonjour Sandy, bonjour GG, ça va? Ça va? Oui, ça va, très bien. Je vous passe un petit coup de fil parce que j'ai un souci. Je dois faire un déplacement professionnel aux États-Unis bientôt et le problème c'est que je parle pas un mot d'anglais. Je suis hyper mal. Oui. Parce que bon, j'ai un peu arrêté les cours assez tôt, quoi. Et voilà. Quelle est ta question? Faut qu'on fasse. Alors moi, je voudrais savoir si vous pouviez, là, je sais pas, me balancer les mots les plus usuels, là, comme ça, tout de suite. Bah, déjà, ce qu'il faut que tu fasses, c'est déjà la formule de politesse, c'est-à-dire thank you, qui veut dire merci. Thank you. Non, thank you, mais ça, okay. Ça se dit thank you. Ok. Excuse me, c'est excusez-moi. D'accord. Hello, c'est bonjour. Good night, c'est bonne nuit. Good evening. C'est bonsoir. Ouais, ok, ouais. Et good morning, c'est pour le matin. Good morning. Okay. Et good afternoon, c'est pour l'après-midi. D'accord. Good. Ouais. Afternoon. Good comment? Aftermoon. C'est l'après-midi. Bon. Et après, t'as you are you. Ouais. Donc ça veut dire comment allez-vous? You are you. Ouais. Ouais. Bon, il y a un autre monde ici, il y a Vas-sur-Nam. Vas-sur-Nam. What? Your man. C'est what's your name? Ouais, et ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est ton nom. D'accord. La piste de rêve. Et le problème, si vous voulez, c'est que je vais arriver là-bas, bon, j'y vais en avion. Ouais. Et alors, bon, les premiers trucs, si vous voulez, que je vais avoir... tu vois, trouver un taxi, aller à l'hôtel, vous avez des... Enfin, je sais pas, il y a des phrases toutes faites pour tout ça. Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'effectivement, Sandy et Gérard, vous pouvez donner un conseil à notre ami Sébastien? Il arrive à l'aéroport, il est complètement perdu. Quelles sont les phrases qu'il faut dire type pour demander l'hôtel, et etc. Bah, moi, ce que je peux te conseiller, c'est la phrase could you show me to the station. Alors, could you... Could you show? Ouais, okay, ensuite, ouais. Parce qu'on a encore du monde derrière, vite. The station. Ok. Yeah, et ça, c'est pour demander la station de métro. D'accord. Ouais, Gérard, pour l'hôtel, quelles sont les phrases types? Bah, les phrases types, c'est comme en français, ça se dit hôtel, c'est tout. Même le taxi. On a épluché le... Hôtel. Tu dis hôtel, c'est bon, on t'emmène à l'hôtel, tu dis taxi, on t'emmène au taxi. Voilà. De toute manière, c'est... On va se tromper, alors. Bah non. Alors, si tu veux demander un dîner, tu fais... Ouais. What is... Devant ton micro. What is you, Yafta, instant dîner. Ça, c'est si je m'adresse à un Nord-Africain. Non, c'est pas un Noir. Mais plutôt un Chinois. Un Chinois. Voilà, Sébastien, on va te laisser, on te souhaite une bonne journée. Merci énormément. Merci à toi, et puis bon voyage alors. Ouais, merci. Et puis à mon avis, tu vas revenir très vite avec l'anglais qui t'ont donné.